doit céder le passage à la camionnette. Réponse A. Je peux klaxonner. Réponse B. Je chevauche la ligne mixte. Réponse C. Je mets le pied devant le frein. Réponse D.